Chapitre 18e. La récompense promise. L'antique cité des Phocéens sortait libre et glorieuse de la lutte. Elle avait échappé aux joues des impériaux. Quelques jours d'allégresse avaient célébré son triomphe, et pourtant déjà une tristesse profonde s'était emparée du cœur de ses habitants. Hélas, c'est que les cris de victoire ressemblent aux cris de désespoir. Les uns et les autres sont poussés au milieu des débris et retentissent sur des tombeaux. Le connétable fuyait honteusement. Marseille était proclamée illustre une fois de plus. Les dames de la ville, égalant les héroïnes des temps anciens, avaient inséré dans notre histoire quelques pages immortelles. Mais les plus beaux monuments de la cité étaient détruits, les environs étaient dévastés, bien des mères n'avaient plus de fils, bien des épouses pleuraient leurs époux, et le commerce interrompu devait ressentir longtemps la violente commotion qui l'avait bouleversée. Pendant que la bruyante ville s'agitait pour sortir de ses ruines, les chefs militaires s'assemblaient de nouveau dans le palais du Viguier sous la présidence d'Antoine de Glandeves. On comptait dans cette réunion tout ce que la Provence renfermait dans son sein de braves guerriers et d'illustres gentilshommes. C'était Raphaël d'Aix, à la mâle et fière beauté, Jean de Neva, célèbre par son adresse dans les joutes et les tournois, Robert de Nance, dont le courage égalait les richesses, Charles d'Artis, que sa force prodigieuse rendait redoutable en champ clos. Tous s'étaient mis sur les rangs pour mériter Améliane. Tous avaient donné des marques signalées de leur valeur, et tous avaient à jamais inscrit leur nom dans l'histoire. Mais surtout, à son air hautain, on distinguait Charles de Mantoue. Il s'était montré partout, il avait brillé toujours, aussi n'y avait-il eu qu'une voix pour le nommer le plus glorieux chevalier du siège. Il venait en ce moment réclamer la récompense promise au plus vaillant guerrier, la main d'Améliane de Glandeves. La fille du Viguier arriva, accompagnée de ses dames, et prit place auprès du gouverneur. Ce n'était plus alors la magnanime héroïne qui venait de sauver la liberté de son pays. C'était la jeune fille au regard doux et timide, à la démarche modeste, mais pleine de majesté. Une longue robe éclatante enveloppait son corps flexible et gracieux. Ses cheveux bruns laissaient apercevoir leurs reflets soyeux à travers le voile de dentelle brodé d'argent qui couvrait à demi son front et descendait jusque sur ses épaules. Rougissant sous les regards des jeunes guerriers, sa beauté resplendissait d'un éclat plus vif encore. Jamais reine, dans toute sa puissance, ne fut entourée de plus d'hommages et d'admiration. Charles de Mantoue traverse l'assemblée avec assurance. Sur son front brille l'orgueil satisfait. Il s'arrête devant Améliane. « Madame, dit le gouverneur à sa fille, voilà le héros de Marseille. La cité, par l'organe de ses chefs, vient de le désigner pour être votre époux. » À ces paroles, le souvenir de Guillaume trouble l'esprit de la jeune fille, mais bientôt, surmontant son effroi, oubliant sa timidité, elle se relève, laisse tomber un regard de dédain sur l'ambitieux gentilhomme, et se tournant résolument vers son père, « À qui suis-je fiancée ? » demande-t-elle. « Au libérateur de notre patrie, » répond le gouverneur. « Tous nos chefs ont combattu pour elle, » reprend Améliane. « Qui pourrait compter les hauts faits de ces intrépides guerriers ? » Le moins brillant aurait encore le droit de prétendre à ma main. Cependant, leur vaillance n'eût pas suffi pour sauver la cité. Nos combattants morts ou dispersés commençaient à laisser nos remparts sans défense. Déjà l'ennemi franchissait nos murs par une large brèche. L'indigne connétable avait posé le pied sur le sol de la ville aux abois. Mais Dieu veillait sur Marseille. Il a fait de la faiblesse l'instrument de sa force. Il a soufflé dans l'âme des colombes le courage du lion, et les femmes agenouillées se sont relevées. Elles ont essuyé leurs larmes, délaissé le chevet des blessés, oublié leur terreur, et sont accourues au combat. « Oui, madame, » s'écrie Ranzo de Cérès, « les femmes, conduites par la noble fille du Viguier, ont sauvé Marseille. Tous nos guerriers vous admirent, et la postérité s'en souviendra. » Puisque les dames ont délivré la ville, reprend lentement la jeune fille, n'ont-elles pas conquis le droit de choisir leurs époux? Un murmure d'approbation s'élève au dernier mot d'Améliane. L'espérance rentre dans le cœur de tous les jeunes chefs. Leur réponse n'est point douteuse. Charles de Mantoue, furieux et humilié, jette sur ses rivaux un regard de colère. La fille du gouverneur observait sur le front des gentilshommes l'effet de ses paroles lorsque Guillaume, pâle encore des suites de sa blessure, mais calme et digne, entre dans la salle. « Messeigneurs, dit la jeune fille, voilà mon époux, j'offre ma main à messire du Puget. » Une stupéfaction profonde se peint sur tous les visages. Pendant les derniers jours du siège, Guillaume et sa trahison, sa mort ou sa fuite, tout avait été oublié. Aussi, en cet instant, reparaît-il encore sous la terrible accusation de traître à la patrie. À l'étonnement des guerriers, Amélianne sent faiblir son courage. Elle comprend qu'il lui sera bien difficile, avec le seul aveu de Valentin, de dissiper les soupçons qui pèsent sur le gentilhomme. « Mes seigneurs, poursuit-elle, sans doute nul de vous ne penserait à méconnaître la bravoure du chevalier. N'a-t-elle pas brillé d'un éclat immortel dans le combat mémorable qui a vu succomber son ami? Plus tard, souffrant et blessé, n'a-t-il pas au péril de sa vie sauvé mes jours et combattu seul en face le connétable? Néanmoins, je n'invoque point le souvenir de sa vaillance, car je choisis messire du Puget, surtout pour réparer envers lui l'injustice que vous avez commise. On l'a cru complice des Espagnols, et vous l'avez couvert de honte et emprisonné. Mais quelle preuve avez-vous de sa félonie ? » Les chefs se regardèrent interdits et troublés. « Si vous n'avez pas de preuve de son crime, dit une voix douce et grave, moi j'en ai de son innocence. » À ces accents si connus, la jeune fille se retourne. Le père Anselme était debout à côté d'elle, un rouleau de papier à la main. « Monseigneur, dit-il au viguier, le fils de Catherine n'est plus. En veillant près de son cadavre, j'ai trouvé sur sa poitrine et scellé de son sang le salut de messire Guillaume. Je viens vous l'apporter, croyant accomplir ainsi, avec les dernières volontés du mourant, les décrets immuables de Dieu. » Charles de Mantoue, de pâle qu'il est, devient livide. Un tremblement subit agite le chevalier. Amélia sent une larme de joie mouiller sa paupière. Le vénérable prieur déplie lentement les parchemins, en choisit un dans le nombre qu'il lit à haute voix au milieu d'un profond silence. « Moi, Valentin, prêt de paraître devant le tribunal du souverain juge, je déclare que Monseigneur Guillaume du Puget est innocent de toute trahison. Son accusateur, c'est moi. Je n'étais que l'instrument de la main sous laquelle je tombe frappé. » Ici, le religieux s'arrête et laisse voir aux gentilshommes quelques mots illisibles dont la teinte rouge se détache presque en saillie sur le fond jaunâtre du parchemin. Qu'était-ce que ces mots ? Le nom de Mantoue, peut-être, tracé à la hâte et effacé par le sang de Valentin. Un sombre bourdonnement s'élève de l'assemblée, tandis que Charles, heureux de n'avoir point été nommé par son complice, soutient hardiment les regards de la foule. Le gouverneur se lève. « Mes seigneurs, demande-t-il d'un ton solennel, dois-je accorder la main de mon Améliam à messire Guillaume du Puget ?» Les gentilshommes vont répondre. Le père Anselme les prévient et reprend. « Votre parole vous y oblige, car Marseille doit son salut au chevalier. Dans la première attaque, les lansquenets n'avaient-ils pas déjà escaladé les remparts, lorsqu'un chevalier, portant une plume blanche à son feutre, a donné l'alarme et par sa bravoure a soumis les assaillants. Or, ce chevalier, c'est messire du Puget. » Les guerriers étonnés se tournent vers de Mantoue pour demander une explication, car c'était lui qui avait recueilli le mérite de cette action d'éclat. Charles avait disparu. De Glandves pose la tremblante main d'Amélianne dans celle de Guillaume, pâlissant de bonheur. « Mes seigneurs, dit-il, salue mon fils. Honneur au chevalier. Gloire à la dame de Glandves, s'écrient en s'inclinant les guerriers émus.